بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في السؤال 27. سئل الشيخ رحمه الله تعالى: يزيد بعض المؤذنين بعد الأذان بصوت مرتفع عبارات عديدة، منها صلى الله على نبينا وسيدنا، أو يقول أثناء الأذان الله أكبر بكسر الحمزة، أو يقول بعضهم الله أكبر بفتحها، أو يمدها الله أكبر أو الله أكبر، فما جوابكم على ذلك؟ Donc il est interrogé, l'auteur, رحمه الله تعالى, par rapport à certains muazzinin, le muazzin, celui qui fait l'adhan, l'appel à la salat, qui font disent des choses à voix haute après avoir fait l'adhan. Ils disent sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina, qu'Allah couvre d'éloges notre prophète et notre maître. Ou durant l'adhan, il dit Allah, Allahu Akbar, avec une kasra, en disant Akbar, pas Akbar. Ou d'autres, ils disent Allahu Akbar, normalement. Et d'autres, ils font un med, c'est-à-dire une lettre rallongée, en disant Allahu Akbar, Allahu Akbar, en mettant un alif après le ba avant le ra. Ou d'autres, ils font un med en disant Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc, quelle est votre réponse par rapport à cela? فأجاب كل ذكر أو دعاء يلحق بالأذان فإنه بدعة، والأذان كاف عن كل شيء، ومن ذلك قوله الصلاة الصلاة يرحمكم الله إذا انتهى من الأذان فهذا من البدعة. Donc il a dit tout ذكر ou toute invocation qui est rattachée à l'Adhan est une innovation. Car l'Adhan en lui-même suffit de toute chose. Également, comme des gens ils disent la salat, qu'Allah vous fasse miséricorde. Ça veut dire venir accomplir la salat, qu'Allah vous fasse miséricorde. Lorsque l'Adhan est fini, des gens qui disent cela c'est une innovation. Une bid'ah. Et là, l'auteur, je précise, lorsqu'il dit kulu dhikr au du'a yulhaqu bil adhan fa innahu bid'ah, il est venu qu'il y a une invocation à faire après l'adhan et dans laquelle on demande à Allah Azza wa Jalla d'accorder au Nabi sallallahu alayhi wa sallam le maqam al-mahmoud, et celui qui aura fait cette invocation là il aura la shafa'a du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc je ne sais pas pourquoi l'auteur n'a pas cité ça, mais cette invocation elle est connue durant juste après l'adhan, et également lorsque le muazzin il dit hayya al-salah, hayya al-salah, hayya al-falah, hayya al-falah. Nous on dit la hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billah. Donc ça c'est un dhikr également qui est rattaché à l'adhan. Donc je ne sais pas pourquoi l'auteur a oublié de citer cela en exception, sans quoi c'est vrai qu'il n'y a pas de autre cela d'invocation particulière ou de rappel à faire durant l'adhan. Il y a aussi une invocation qu'on peut faire, que rapportée par Omar, Radina billahi rabban wa bil islam adina wa bi Muhammad nabiyan. Ça aussi c'est une chose qui est un zikr que l'on peut dire durant l'adhan, qui est établi dans la sunna authentique. Quoi qu'il en soit, ce dont il a été interrogé là, ça c'est n'a pas d'origine en effet. Qala wa haqiqatan إن هذا الذي يقوله هذا كأنه غير مقتنع بالأذان الذي جعله الله للشرع علامة على دخول الوقت. Il a dit en réalité, celui qui dit ce genre d'invocation, c'est comme s'il n'était pas convaincu de l'Adhan que Allah a légiféré comme étant une indication de l'entrée du temps. C'est-à-dire, ça ne suffit pas, on dirait. وَمَا أَلْلَحَنَ الَّذِي ذَكَرَهُ السَّائِلُ فَهُوَ مُخْتَلِفٌ. Donc maintenant, par rapport au lahn, ce sont les erreurs de prononciation. Les fautes de prononciation en arabe, on appelle ça un lahan. Il a dit cela de différents degrés. فَإِنَا قُولَ أَلَّهُ أَكْبَرُ لَا يَحِلُوا الْمَعْنَى فَلَا يَكُونُ مُحَرَّمًا وَلَا مُبْتِلًا لِلْأَذَانِ. Donc le fait de dire Allahu Akbar, cela ne change en rien le sens, et cela n'est pas interdit, et cela n'annule en rien l'adhan. أما الله أكبر بمد فهو لحن مغير للمعنى فلا يجوز. Et le fait de dire maintenant Allahu Akbar, cela est un lahn, une erreur de prononciation qui elle change le sens, donc cela n'est pas permis. Et quant au dire, le fait de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, فهو لفظ محيل للمعنى فلا يجوز. C'est un sens qui change également de dire cela, donc ce n'est pas permis. Et je précise, lorsqu'on dit Allahu Akbar, avec le med après le ba, cela a un sens qui est très dangereux, car Akbar, c'est un pluriel. D'accord ? C'est le pluriel de Kabar. Et Kabar, c'est un tambour. Donc c'est comme si tu disais, Allah, c'est des tambours. Ça revient à dire cela, wa l'azbillah. Et il y en a un autre, qui n'a pas été cité ici, qui est le fait de mettre un med avant Allah, de dire Allah Akbar. Et ça, c'est également une chose qui est dangereuse, car ça amène à demander, est-ce que Allah est plus grand que tout ? Alors quand on dit Allah Akbar, on affirme que Allah est plus grand que tout. Donc fais attention à ce qu'on prononce. Le moindre ajout ou le moindre retrait dans une lettre peut changer le sens. Des fois un sens qui n'a pas de sens, et des fois un sens qui est de la mécréance, et des fois un sens qui est innové, et des fois un sens qui est faux, et ainsi de suite. Donc faire très attention. Quand Allah, وَأَمَّا إِكْبَار, le fait de dire Allah ou إِكْبَار, فَهُوَ اللَّحْنُ لَكِنْ نَعْلَمُ أَنَوْ يَحِلُ الْمَعْنَى وَلَكِنْ كُلَّ مَا كَانَ أَصَحْ فَهُوَ أَفْضَل. Donc il a dit le fait de dire Allah ou إِكْبَار, il a dit également c'est un lahn, c'est une faute de prononciation, mais il a dit je ne vois pas le sens que cela apporte. C'est-à-dire, le fait de dire Iqbal, c'est un mot qui n'a pas de sens pour lui. Je ne connais pas le sens de ce mot-là. Donc, ce qu'il faut, c'est de délaisser. D'accord ? Le fait de se délaisser. Summa su'ila fi su'al at-tasi' wa al-ishrin. Hunak man min al-nas man yazidu fi al-afkar. Kakouli al-ba'd, ba'd al-salah, taqabbal Allah. أو قولهم بعد الوضوء زمزم فما تعليقكم على ذلك. Donc il a dit certains qui rajoutent lorsqu'ils font les askars après la salat, les askars qu'on fait après les salawat, certains ils rajoutent des choses en disant تقبل الله, que Allah accepte, ou d'autres après avoir fait le wudu ils disent zemzem. Je ne sais pas c'est quoi le takdir, parce qu'il a juste écrit zemzem. Donc il a dit, que dites-vous de cela ? فَأَجَابَ رَحِمَ اللَّهُ تَعَلَى هَذَا لِسَ مِنَ الذِّكْرِ هَذَا مِنَ الدُّعَى إِذِ فَرَعَى وَقَالَ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْكَ وَلَكِنْ مَعَ ذَلِكَ لَا نَرَى أَنْ يَفْعَلَهَا الْإِنسَانِ لَا بَعْدِ الْوُضُوءِ وَلَا بَعْدِ الصَّلَاءِ وَلَا بَعْدِ الشُّرْبِ مِنْ مَا زَمْزَمْ لِأَنَّ مِثْلَ هَذِي الْأُمُورِ إِذِ فُعِلَتْ لَرُبَّمَا تَتَّخَذُ سُنَّةً فَتَكُونَ مَشْرُوعَةً بِغَيْرِ عِلْمٍ. Donc il a dit, ceux-là ce ne sont pas des évocations, des askars. Ceux-là sont des invocations. Lorsque quelqu'un dit qu'elle accepte de vous, ça c'est une invocation. Et cependant, nous voyons qu'il ne faut pas le faire. Ni après le wudu, ni après la salat, ni après avoir bu de l'eau de zamzam. Car il se peut que la personne, s'il le fasse, s'imagine que c'est une sunnah, puis s'y attache, donc il entrera dans l'innovation. Donc de là, il a dit qu'il ne faut pas le dire. D'accord ? Il ne faut pas le dire. À ce moment-là. Bien que le fait de dire à des moments comme ça, sans raison, « Taqabbalallahu minkum » qu'elle accepte de vous, c'est une invocation. Mais le fait de désigner un moment particulier pour le dire et surtout le répéter, c'est là qu'on est dans l'innovation. Par exemple, les salaf, après le Eid, ils le disaient « Taqabbalallahu minna wa minkum » D'accord ? Donc si c'était un peu les sahaba qui le faisaient, à ce moment-là, les ulama disent qu'il n'y a pas de mal à le dire. Mais maintenant, quelqu'un qui le dit comme ça aujourd'hui, une fois, il n'y a pas de mal également. Mais le fait de le dire, de s'imaginer qu'à tel moment, il faut le dire pour telle occasion, telle situation, c'est là qu'on est dans l'innovation. Non. هذا الذي أخذنا من هذين السؤالين اليوم والحمد لله رب العالمين.